Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledan. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Dansez maintenant sur Sorgia FM, évidemment. Et aujourd'hui, une émission très très spéciale. Je vais mettre à l'honneur une chanteuse que l'on n'entend vraiment plus du tout sur les ondes, ni à la télé, évidemment. Et pourtant, quelle voix, quel talent, quelle justesse dans la voix, quel timbre, quelle personnalité aussi cette chanteuse qui était la concurrente d'une chanteuse que vous connaissez qui s'appelait Dalida. Cette chanteuse dont je vais vous parler aujourd'hui était née le 28 octobre 1922 en Espagne, en Catalogne plus précisément, et nous a quittés le 4 décembre 2005, mais au Mexique, elle nous a quittés au Mexique. Alors cette chanteuse, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps, il s'agit de Gloria Lasso. Vous allez entendre aujourd'hui des chansons que vous n'avez peut-être jamais entendues ou alors que vous allez redécouvrir, puisque pour certains, évidemment, Gloria Lasso, ça vous parle, je l'espère en tout cas. Alors, on va commencer tout de suite cette émission avec deux titres qu'on va enchaîner. Le premier, ce sera Mandolino, et puis après une belle chanson très triste, en même temps une histoire d'amour, qui s'appelle Bon Voyage. Dansez maintenant. Au long du quai, elle a vu que passait Mandolino. Elle a couru jusqu'à lui dans la rue pour lui dire son amour. Et sans façon, elle a chanté son nom, Mandolino, que tous les gens qui passaient nos chalands ont repris en chantant. Dévalant dans le vent léger du vallon, tout le long, le long, le long des quais. Ouais, ouais, ouais, elle a crié, je suis là pour t'aimer, Mandolino. Oui, mais dans l'eau ne restait que le reflet de Mandolino. Mandolino, il vous attend patiemment, on le croit cette fois, et pourtant sur le coteau apparaît tout en haut Mandolino. Il est partout, et si c'est au Pérou, c'est le même que chez nous. Si c'est à si c'est à Napoli, il n'est pas, n'est pas plus beau qu'ici. Si, si, si, quand passera à portée de vos bras, Mandolino. N'hésitez pas, prenez-le, garde-le et dites-lui tout bas, je t'aime. Triste en me quittant, puisque celle qui

avec toi dans la clarté de mes 20 ans et remonter vers la source d'où jaillissent les printemps dans le silence de sapin blanc. Tu connaîtras près du torrent mon cœur. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Alors aujourd'hui, on va délaisser un petit peu l'accordéon pour pouvoir découvrir cette chanteuse, Gloria Lasso, qui a fait tellement de choses dans sa vie et qui s'est mariée un nombre incroyable de fois à la manière d'Eddie Barclay, qu'elle connaissait très bien. Voici quand même une petite valse espagnole qui s'appelle El Soldado de Levita. Sorgia. Nous revoici pour écouter Gloria Lasso. Voici Bonne Chance et on enchaînera avec Baya. Pourquoi m'avoir dit bonne chance alors que je pars pour toujours et que je sais bien à l'avance que nul n'attendra mon retour? Bon voyage, m'ont dit mes amis. Du courage, pense à ton pays. Pourtant, malgré tout, toi que j'aime, peux-tu me garder ton amour? Peux-tu, sans avoir de peine, rester loin de moi tant de jours? Je m'en vais ailleurs, m'attend mon destin. Je chance alors que je pars pour toujours et que je sais bien à l'avance que nul n'attendra mon retour. Je Pourquoi m'avoir dit bonne chance? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? encontré un día una latita más bonita de Bahía. Me das un beso que no, un abrazo porque tu mano pido. Bye. On va parler maintenant de la jolie Marianne et on enchaînera avec un Ave Maria no more. Toi, Marianne, plus l'homme est poli, jolie Marianne, moins il se conduit comme un gentleman. Marianne, oh Marianne, si pour faire un tour, Manolo t'offre son âne, monte-y toujours. Mais s'il veut sous le prétexte que c'est la saison, cueillir des violettes le long des buissons, attention, Marie, Marie, Marianne. Prends garde à toi, Marianne. Plus l'homme est poli, jolie Marianne, moins il se conduit comme un gentleman. Si Pablo sur la splanade dans la nuit d'été vient chanter la sérénade, tu peux l'écouter. Mais un soir s'il te propose de jouer pour toi dans ta chambre close, la malagueña et maman Marie, Marie, Marianne. Prends garde à toi, Marianne. Plus l'homme est poli, jolie Marianne, moins il se conduit comme un gentleman. Si à l'orage après vendange vient à éclater et que Louis t'ouvre sa grange, tu peux t'abriter. Mais fermant la porte ensuite, s'il veut que tu ailles pour chercher plus vite, t'asseoir dans la paille. Aïe, aïe, aïe, Marie, Marie, Marianne. Garde à toi, Marianne. Plus l'homme est poli, jolie Marianne, moins il se conduit comme un gentleman. Mais par contre, si Roberto, qui n'a rien cherché, à ta porte se présente tout en dimanche, bien qu'il soit de ceux qui t'aiment le moins dégourdi, réponds avant même qu'il ne t'ait rien dit. Si, si, si, Marie, Marie, Marianne. Prends à Marie, Marianne. Et le soir venu, jolie Marianne, tant mieux s'il n'est plus vraiment gentleman. Tant mieux s'il n'est plus vraiment gentleman. Tant mieux s'il n'est plus vraiment gentleman. De planches qui s'accrochent aux nuages, c'est le Moro à Rio de Janeiro. Pauvre village sans une banque et sans chapelle, mais lorsque l'on vit au Moro, on se sent bien plus près du ciel. Quelques pois chiches, une galette avec de l'eau, leurs dimanches sont plus beaux que ceux des riches des bungalows. Que Dieu les garde dans leurs montagnes, elle est si belle, Ave Maria. Que Dieu les garde dans leurs montagnes, ils n'ont plus qu'elle, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. Écoute la montagne entière qui chante au ciel cette prière. S'accroche au nuage, c'est le Moro à Rio de Janeiro. Pauvre village

Oui, mais voilà, l'amour s'en va et rien ne dure. Tu veux savoir quand même si moi toujours je t'aime, mais je ne dirai rien. Mon cœur va bien, merci beaucoup, j'ai trouvé l'oubli. Oui, mais le tien, un peu trop fou, est-il guéri? Comment vas-tu? Que deviens-tu? Connais-tu le bonheur? Car tu le sais, je n'ai pas de rancœur. C'est pourquoi je peux dire, hola, que tal? Comment vas-tu? Tu le sais, je n'ai pas de rancœur. C'est pourquoi je peux dire, hola, que tal? Comment vas-tu? Sur Sangia FM, Hubert Ledon. Ça, c'était la reprise d'un titre américain qui s'appelle Diana. Et ensuite, on parlera de danse quand même, puisque cette chanson que nous interprétera Gloria Lasso, ce sera Quand je danse dans tes bras. Diana, tu n'es qu'une enfant, mais déjà l'amour t'attend. On a vu poser ton front sur l'épaule d'un garçon. C'est qu'il attend, donne-lui tes 17 ans. La vie passe vite, oh Diana. Chez toi la lumière luit, tu dors seule dans ton lit. Pourquoi tant de nuits gâchées? L'amour n'est pas un péché. Tant de filles qui l'ont cru pleurent leurs années perdues. La vie passe vite, oh Diana. Ta fenêtre s'est ouverte, tu te penches. Forme blanche et dans l'ombre de colombe, tes mains soudain s'envolent, vole, vole, vole vers celui qui loin de toi là-bas rêve aussi que tu dors dans ses bras. Tu caresses doucement ses yeux, longuement tu frôles ses cheveux. Tout cela tu le fais en rêvant, mais demain tu le feras vraiment. Là si vite, oh Diana, trop vite, oh Diana, trop vite. Quand je danse, danse, danse dans tes bras. Ça m'émet le cœur en fête. Je ne pense, pense, pense plus qu'à toi, au point d'en perdre la tête. Quand tu tournes, je me courbe sous tes doigts, dans une harmonie complète. Et moi-même, je m'enchaîne sans combattant, je susurre chaque pas de ma défaite. C'est l'heure où l'on se voit mieux. dès que l'on ferme les yeux. Tout bien que sous ton étreinte, nulle crainte ne m'étreint. C'est qu'à l'oreille tout bas, tu me dis des mots à toi, des mots si chauds qu'ils pénètrent au plus profond de mon être. C'est l'instant dont tu profites pour poser plein d'assurance sur mes lèvres un long baiser. Quand je danse, danse, danse dans tes pas, ça me met le cœur en fête. Je ne pense, pense, pense plus qu'à toi, au point d'en perdre la tête. Quand tu tournes, je me couvre sous tes doigts, dans une harmonie complète. Et moi-même, je m'enchaîne sans combattant, je susurre chaque pas de ma défaite. Comme il fait bon découvrir qu'on a le même désir. Comme il fait bon se comprendre sans attendre d'en rougir. Pour mieux prouver notre accord, tu m'enlaces un peu plus fort. C'est la minute suprême où tu sais dire je t'aime. Que la danse recommence à l'infini, et dans tes bras je veux danser toute la vie. Et dans tes bras je vais danser toute la vie. Dansez maintenant sur Sangia FM. Hubert Ledent. Retour à la douceur avec Un étranger au paradis. Toujours Gloria Lasso. Prends ma main, car je suis étrangère ici, perdue dans le pays bleu, étrangère au paradis. Et je sais que chemin, le danger dans un paradis, c'est de rencontrer un ange et qu'il nous sourit, simple mortel. Je m'émerveille, le yeux rempli d'étoiles. Maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Elle n'a pas toujours eu une vie facile, notre chère Gloria Lasso. Toute petite déjà, c'était difficile puisque la famille n'était pas très très riche et elle devait subvenir aux besoins de cette famille en chantant tout simplement. Et puis voilà, hormis son mariage à l'âge de 16 ans et puis enfin, tout ce qui lui est arrivé, avec aussi l'arrivée de Dalida qui a fait que sa carrière a quand même pris un sacré coup, il faut le dire. En tout cas, ça ne nous empêche pas aujourd'hui de l'apprécier, de l'écouter et on va continuer toujours avec notre chanteuse favorite du jour, Gloria Lasso. Il existe jadis sous le ciel andalou un pauvre muletier qui était fort jaloux. Ça délétait à la ville, lui toujours par le chemin. Comme il n'était pas tranquille de la savoir aussi loin, à tous les gens qui passaient, le muletier demandait: si vous allez à Séville, vous y verrez mes amours sous une pauvre mantille de grands yeux noirs de velours. Dites-lui qu'elle soit fidèle jusqu'au jour de mon retour. Et dites-lui que je l'aime à en perdre la raison. Poème, ma plus belle chanson, c'est toujours son nom. Il arriva qu'un soir la belle rencontra un seigneur de Cadix venant à la feria. Le seigneur était bel homme, la belle avait 18 ans. Comment résister en somme lorsque chante le printemps? Et le Seigneur à jamais l'amena dans son palais. Et depuis lors sur la route va le pauvre muletier. Il a le cœur en déroute, fuyant de tout la pitié. Et pour mieux cacher sa peine et pour pleurer son témoin, au vieux moulet qui l'entraîne à chaque fleur du chemin, muletier chante son chagrin. Bah, pauvre muletier, bah, vers toi. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez. On retrouve Gloria Lasso avec Amour perdu et on enchaînera avec Padre Don José. Il y avait un grand amour qui croyait bien durer toujours, et c'était loin, très loin au bout du monde. Il y avait un ciel tout bleu, un grand navire épineux et des oiseaux dans la lumière blonde. Il y avait une guitare accompagnée qui sait quand les bateaux reviennent, amour perdu ne revient jamais plus. Il y avait un pauvre amour qui regardait s'enfuir le jour et ses bateaux filant au vent des dunes. Il y avait dans le ciel bleu de la fumée dans mes yeux, toutes mes joies qui mouraient une à une. Et maintenant me reste encore cette chanson et ses accords que fredonnait une voix inconnue. Gardez vos joies, gardez vos peines. Qui sait quand les bateaux reviennent, amour perdu ne revient jamais plus. Amour perdu, amour perdu ne revient plus. Padre Don José, quand tu nous as marié, tu m'as dit que l'amour devait durer toujours. Tu m'as dit aussi qu'en priant le ciel, la joie remplit votre vie et qu'en étant fidèle, garde son mari. Padre, Padre, j'ai cru tout ce que tu m'as dit. Padre, qui me l'a volé n'a pour Dieu que le péché, et sans pudeur son corps s'offre au désir caché. L'âme attendit dans ses lourds cheveux des perles et des rubis, et donna Padre, Padre, puisque le garde mon mari. Maintenant, sur Sangia FM, Hubert Ledan. On va valser avec Gloria Lasso, avec cette petite valse qui s'intitule Bouquet d'Amsterdam. Très très jolie valse. Quel bonheur ce soir, quelqu'un m'envoie un bouquet d'Amsterdam. et dans ces tulipes je revois tout le ciel d'Amsterdam. Tout le long des rues je tiens le bras d'un garçon d'Amsterdam. C'est la fête, on s'arrête sur la place, il m'embrasse et depuis je le proclame, moi je rêve d'Amsterdam. Quand chez la vieille marchande, il m'acheta quelques fleurs, tout le moulin des Hollandes tournait moins fort mon cœur. Ce flair d'après la légende, me dit-il, parlant d'amour. Et tu comprendras si tu en reçois, chérie, que je t'aime toujours. Quelle chance quand j'y pense, puisqu'il m'aime, et que mon cœur le réclame. Moi je pars pour Amsterdam, oui je pars pour Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. Une émission ne suffit pas pour découvrir et redécouvrir Gloria Lasso. Elle a tellement, tellement de belles chansons. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie d'en écouter d'autres. On alternera comme ça entre les chanteurs et les accordéonistes tout au long de ces semaines à venir pour découvrir d'autres choses et d'autres voix qu'on n'entend plus ou alors qu'on n'écoute plus. Alors, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Nous allons terminer avec deux titres, toujours interprétés bien entendu par Gloria Lasso. La première, ce sera L'ombre sous la mer. Et on terminera, une fois n'est pas coutume, avec un tango qu'elle a interprété, qui est magnifique aussi, qui s'appelle Comédien. Au revoir à toutes et à tous, et à la semaine prochaine. Dansez maintenant. Un bateau qui l'a vu s'est perdu et l'on n'a jamais su rien de plus. Les pêcheurs qui ont peur de cet homme sous la mer, au veillée de l'hiver, imagine des histoires qui font croire au mystère. La nuit dans les eaux profondes, elle disparaît doucement. Le jour, presque à fleur de l'onde, elle danse au fil du courant. Mais d'un bateau qu'on a mis dans sa tombe et qui dort au fond de Avec un talent de comédien comme le tien, on renverrait du monde. Avec ta faconde, tu pourrais monter sous les tréteaux de la grande place, jouer paillasse ou rigoletto sous le chapiteau, et l'on paierait sa place pour tes yeux de glace. Ta voix, ton audace et ton sourire impertinent, les ors de ton théâtre brûlent encore dans l'âtre. Avec ton cœur de plâtre qui ne veut plus battre, plus froid que ceux des arbres et des statues de marbre et des vitraux de Chartres balayés par le vent. Avec toi j'étais Louisou, Mimi, Manon, Sylvie, Carmen ou Bérénice, suivant ton caprice, jouant de mon cœur abandonné comme une harpe. Ainsi chaque jour, avec amour, tu m'as donné la comédia dell'arte, la crème et la tarte, du rêve à la carte, du rire avec des sanglots, des joies qui se contractent au rideau des entractes. Des serments qu'on rétracte, des aveux, des pactes, puis un adieu qui claque, un vieux mélo qui craque. J'avais payé la claque et j'ai crié bravo. Mais si tu voulais me revenir un souvenir, faire une folie, je t'accueillerai mon comédien à la seconde. Je retrouverai, tu le sais bien, mon cœur ancien pour le plus beau du monde, le plus doux du monde, le plus fou du monde, le plus grand des comédiens.